Rhapsodie 22. Ainsi les Troyens, chassés comme des fans, rentraient dans la ville. Ils séchaient leur sueur, ils buvaient, apaisant leur soif. Et les Achaïens approchaient des murs, en ligne serrée et le bouclier aux épaules. Mais la moire fatale fit que Hector resta devant Ilios et les portes scaies. Et Phoïbos Apollon dit au Péléide, « Péléide, aux pieds rapides, toi qui n'es qu'un mortel, pourquoi poursuis-tu un dieu immortel ? Ne vois-tu pas que je suis un dieu ? Mais ta fureur n'a point de fin. Ne songes-tu donc plus aux Troyens que tu poursuivais et qui se sont enfermés dans leur ville, tandis que tu t'écartais de ce côté ? Cependant, tu ne me tueras point, car je ne suis pas mortel. » Et Achilleus, aux pieds rapides, lui répondit, plein de colère, « Ô Apollon, le plus funeste de tous les dieux, tu m'as aveuglé en m'écartant des murailles. Sans doute de nombreux Troyens auraient encore mordu la terre avant de rentrer dans Ilios, et tu m'as enlevé une grande gloire. Tu les as sauvés aisément, ne redoutant point ma vengeance. Mais certes, je me vengerais de toi, si je le pouvais. » Ayant ainsi parlé, il s'élança vers la ville en méditant de grandes actions, telles qu'un cheval victorieux qui emporte aisément un char dans la plaine. Ainsi Achilleus agitait rapidement ses pieds et ses genoux. Et le vieux Priamos l'aperçut le premier, se ruant à travers la plaine et resplendissant comme l'étoile caniculaire dont les rayons éclatent parmi les astres innombrables de la nuit et qu'on nomme le chien d'Orion. Et c'est la plus éclatante des étoiles. Mais c'est aussi un signe funeste qui présage une fièvre ardente aux misérables hommes mortels. Et les reins resplendissaient ainsi autour de la poitrine d'Achilleus qui accourait. Et le vieillard se lamentait en se frappant la tête. Il levait ses mains et il pleurait, poussant des cris et suppliant son fils bien-aimé. Et celui-ci était debout devant les portes, plein du désir de combattre Achilleus. Et le vieillard, les mains étendues, lui dit d'une voix lamentable, « Hector, mon fils bien-aimé, n'attends point cet homme, étant seul et loin des tiens, de peur que tué par le Péléon, tu ne subisses ta destinée, car il est bien plus fort que toi. Ah, le misérable, que n'est-il aussi cher aux dieux qu'à moi ? Bientôt les chiens et les oiseaux le dévoreraient, étendu contre terre, et ma douleur affreuse serait apaisée. De combien de braves enfants ne m'a-t-il point privé, en les tuant ou en les vendant aux îles lointaines ? Et je ne vois point au milieu des Troyens rentrer dans Ilios mes deux fils Lycaon et Polydoron, qu'a enfanté Laotoé, la plus noble des femmes. S'ils sont vivants sous les tentes, certes, nous les rachèterons avec de l'or et de l'airain, car j'en ai beaucoup, et le vieux illustre Altesse en a beaucoup donné à sa fille. Mais s'ils sont morts, leur mère et moi, qui les avons engendrés, nous les pleurerons jusque dans les demeures d'Aïdès. Mais la douleur de nos peuples sera bien moindre si tu n'es pas dompté par Achilleus. Mon fils, rentre à la hâte dans nos murs pour le salut des Troyens et des Troyennes. Ne donne pas une telle gloire aux Péléides et ne te prive pas de la douce vie. Aie pitié de moi, malheureux, qui vis encore, et à qui le père Zeus réserve une affreuse destinée aux limites de la vieillesse, ayant vu tous les maux m'accabler. Mes fils tués, mes filles enlevées, mes foyers renversés, mes petits-enfants écrasés contre terre, et les femmes de mes fils entraînées par les mains inexorables des Achaïens. Et moi-même, le dernier, les chiens mangeurs de chair crue me déchireront sous mes portiques, après que j'aurai été frappé de l'airain, aucune lance m'aura arraché l'âme. Et ces chiens, gardiens de mon seuil et nourris de ma table dans mes demeures, furieux, ayant bu tout mon sang, se coucheront sous mes portiques. On peut regarder un jeune homme percé de l'airain aigu et couché mort dans la mêlée, car il est toujours beau, bien qu'il soit nu. Mais une barbe blanche et les choses de la pudeur déchirées par les chiens, c'est la plus misérable des destinées pour les misérables mortels. » Le vieillard parla ainsi et il arrachait ses cheveux blancs. Mais il ne fléchissait point l'âme de Hector. Et voici que sa mère gémissait et pleurait, et que, découvrant son sein et soulevant d'une main sa mamelle, elle dit ces paroles lamentables, « Hector, mon fils, respecte ce sein et prends pitié de moi. Si jamais je t'ai donné cette mamelle qui apaisait tes vagissements d'enfant, souviens-t'en, mon cher fils. Fuis cet homme, rentre dans nos murs, ne t'arrête point pour le combattre. Car s'il te tuait, ni moi qui t'ai enfanté, ni ta femme richement dotée, nous ne te pleurerons sur ton lit funèbre. Mais loin de nous, auprès des nefs des Argiens, les chiens rapides te mangeront. » Et ils gémissaient ainsi, conjurant leur fils bien-aimé. Mais ils ne fléchissaient point l'âme de Hector, qui attendait le grand Achilleus. De même qu'un dragon montagnard nourri d'herbes vénéneuses et plein de rage se tord devant son repaire avec des yeux horribles en attendant un homme qui approche, de même Hector, plein d'un ferme courage, ne reculait point. Et le bouclier appuyé contre le relief de la tour, il se disait dans son grand cœur « Malheur à moi si je rentre dans les murailles. Polydamas m'accablera de reproches, lui qui me conseillait de ramener les Troyens dans la ville, cette nuit fatale où le divin Achilleus s'est levé. Je ne l'ai point écouté, et certes, son conseil était le meilleur. Et voici que j'ai perdu mon peuple par ma folie. Je crains maintenant les Troyens et les Troyennes au long péplos. Le plus lâche pourra dire « Hector, trop confiant dans ses forces, a perdu son peuple. » Ils parleront ainsi. Mieux vaut ne rentrer qu'après avoir tué Achilleus, ou bien mourir glorieusement pour Ilios. Si, déposant mon bouclier bombé et mon casque solide, et appuyant ma lance au mur, j'allais au-devant du brave Achilleus, si je lui promettais de rendre aux Atréides, Hélénée, et toutes les richesses qu'Alexandros a portées à Troie sur ses nefs creuses, car c'est là l'origine de nos querelles, si j'offrais aux Achaïens de partager tout ce que la ville renferme, ayant fait jurer par serment aux Troyens de ne rien cacher, et de partager tous les trésors que contient la riche Ilios. Mais à quoi songe mon esprit? Je ne supplierai point Achilleus, car il n'aurait ni respect ni pitié pour moi, et, désarmé que je serais, il me tuerait comme une femme. Non, il ne s'agit point maintenant de causer du chêne ou du rocher, comme le jeune homme et la jeune fille qui parlent entre eux. Mais il s'agit de combattre et de voir à qui l'Olympien donnera la victoire. » Il songeait ainsi, attendant Achilleus, et le Péléide approchait semblable à l'impétueux guerrier Arès, et brandissant de la main droite la terrible lance pélienne. Et les reins resplendissaient, semblables à l'éclair ou au feu ardent ou à Hélios qui se lève. Mais dès que Hector l'eut vu, la terreur le saisit, et il ne put l'attendre. Et laissant les portes derrière lui, il s'enfuit épouvanté. Et le Péléide s'élança de ses pieds rapides. De même que, sur les montagnes, un épervier, le plus rapide des oiseaux, poursuit une colombe tremblante qui fuit d'un vol oblique et qu'il presse avec des cris aigus, désirant l'atteindre et la saisir, de même Achilleus se précipitait. Et Hector, tremblant, fuyait devant lui sous les murs des Troyens, en agitant ses genoux rapides. Ils passèrent auprès de la colline et du haut figuier, à travers le chemin et le long des murailles. Et ils parvinrent près du fleuve, au beau cours, là où jaillissent les deux fontaines du Scamandros tourbillonnant. Et l'une coule, tiède, et une fumée s'en exhale, comme d'un grand feu. Et l'autre filtre, pendant l'été, froide comme la grêle ou la neige ou le dur cristal de l'eau. Et auprès des fontaines, il y avait de larges et belles cuves de pierre où les femmes des Troyens et leurs filles charmantes lavaient leurs robes splendides, au temps de la paix avant l'arrivée des Achaïens. Et c'est là qu'ils couraient tous deux, l'un fuyant et l'autre le poursuivant. Et c'était un brave qui fuyait, et un plus brave qui le poursuivait avec ardeur. Et ils ne se disputaient point une victime, ni le dos d'un bœuf pris de la course parmi les hommes, mais ils couraient pour la vie de Hector, dompteur de chevaux. De même que deux chevaux rapidement élancés dans les jeux funéraires d'un guerrier pour atteindre la borne et remporter un prix magnifique, soit un trépied, soit une femme, de même ils tournèrent trois fois de leurs pieds rapides autour de la ville de Priamos, et tous les dieux les regardaient. Et voici que le père des dieux et des hommes parla ainsi. « Oh malheur, certes je vois un homme qui m'est cher fuir autour des murailles. Mon cœur s'attriste sur Hector, qui a souvent brûlé pour moi de nombreuses cuisses de bœuf sur les cimes du grand Ida ou dans la citadelle d'Ilios. Le divin Achilleus le poursuit ardemment de ses pieds rapides autour de la ville de Priamos. Allons délibérer, ô dieux immortels, l'arracherons-nous à la mort, ou dompterons-nous son courage par les mains du Péléide Achilleus ?» Et la déesse Athénée, aux yeux clairs, lui répondit « Ô père foudroyant qui amasse les nuées, qu'as-tu dit ? Tu veux arracher à la mort lugubre cet homme mortel que la destinée a marqué pour mourir ? Fais-le, mais jamais, nous les dieux, nous ne t'approuverons. » Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondant, parla ainsi, « Rassure-toi, Tridogeneia, chère fille, je n'ai point parlé dans une volonté arrêtée, et je veux te complaire. Va et agis comme tu le voudras. » Il parla ainsi, excitant Athénée déjà pleine d'ardeur. Elle s'élança du faîte de l'Olympos. Et cependant, le rapide Achilleus pressait sans relâche Hector, de même qu'un chien presse sur les montagnes le faon d'une biche. Et il le poursuivit à travers les taillis et les vallées des bois, et quand il se cache tremblant sous un buisson, le chien flaire sa trace et le découvre aussitôt. De même, Hector ne pouvait se dérober au rapide Péléiade. Autant de fois, il voulait regagner les portes dardaniennes et l'abri des tours hautes et solides d'où les Troyens pouvaient le secourir de leurs flèches, autant de fois Achilleus le poursuivait en le chassant vers la plaine. Mais Hector revenait toujours vers Ilios. De même que, dans un songe, on poursuit un homme qui fuit sans qu'on puisse l'atteindre et qu'il puisse échapper, de même l'un ne pouvait saisir son ennemi ni celui-ci lui échapper. Mais comment Hector eut-il évité plus longtemps les cœurs de la mort si Apollon, venant à son aide pour la dernière fois, n'eût versé la vigueur dans ses genoux rapides? Et le divin Achilleus ordonnait à ses peuples, par un signe de tête, de ne point lancer contre Hector de flèches mortelles, de peur que quelqu'un le tuât et remportât cette gloire avant lui. Mais, comme il revenait pour la quatrième fois aux fontaines du Scamandros, le père Zeus déploya ses balances d'or. Il y mit deux cœurs de la mort violente, l'une pour Achilleus et l'autre pour Hector, dompteur de chevaux. Il les éleva en les tenant par le milieu, et le jour fatal de Hector descendit vers les demeures d'Aïdès. Et Phoïbos Apollon l'abandonna, et la déesse Athénée aux yeux clairs, s'approchant du Péléide, lui dit ces paroles ailées. « J'espère enfin, illustre Achilleus, cher à Zeus, que nous allons remporter une grande gloire auprès des nefs achaïennes, en tuant Hector insatiable de combat. Il ne peut plus nous échapper, même quand l'archer Apollon, faisant mille efforts pour le sauver, se prosternerait devant le père Zeus tempétueux. Arrête-toi et respire. Je vais persuader le Priamide de venir à toi et de te combattre. » Athénée parla ainsi, et Achilleus, plein de joie, s'arrêta, appuyé sur sa lance d'airain. Et Athénée, le quittant, s'approcha du divin Hector, étant semblable à Déiphobos par le corps et par la voix. Et debout auprès de lui, elle lui dit ces paroles ailées. « Ô mon frère, voici que le rapide Achilleus te presse en te poursuivant autour de la ville de Priamos. Tenons ferme et faisons tête, tous deux, à l'ennemi. » Et le grand Hector, au casque mouvant, lui répondit, « Déiphobos, certes, tu étais déjà le plus cher de mes frères, de tous ceux que Hécabée et Priamos ont engendrés. Mais je dois t'honorer bien plus dans mon cœur aujourd'hui que, pour me secourir, tu es sorti de nos murailles, où tous les autres restent enfermés. » Et la déesse Athénée aux yeux clairs lui répondit, « Ô mon frère, notre père et notre mère vénérable m'ont supplié à genoux, et tous mes compagnons aussi, de rester dans les murs, car tous sont épouvantés. Mais mon âme était en proie à une amère douleur. Maintenant combattons bravement, et ne laissons point nos lances en repos, et voyons si Achilleus, nous ayant tués, emportera nos dépouilles sanglantes vers les nefs creuses, ou s'il sera dompté par ta lance. » Athénée parla ainsi avec ruse, et elle le précéda. Et dès qu'ils se furent rencontrés, le grand Hector, au casque mouvant, parla ainsi le premier. « Je ne te fuirai pas plus longtemps, fils de Péléus. Je t'ai fui trois fois autour de la grande ville de Priamos, et je n'ai point osé attendre ton attaque. Mais voici que mon cœur me pousse à te tenir tête. Je tuerai ou je serai tué. Mais attestons les dieux, et qu'ils soient les fidèles témoins et les gardiens de nos pactes. Je ne t'outragerai point cruellement si Zeus me donne la victoire et si je t'arrache l'âme. Mais, Achilleus, après t'avoir dépouillé de tes belles armes, je rendrai ton cadavre aux Achaïens. Fais de même, et promets-le. » Et Achilleus, au pied rapide, le regardant d'un œil sombre, lui répondit, « Hector, le plus exécrable des hommes, ne me parle point de pacte. de même qu'il n'y a point d'alliance entre les lions et les hommes, et que les loups et les agneaux, loin de s'accorder, se haïssent toujours. De même il m'est impossible de ne pas te haïr. Il n'y aura point de pactes entre nous avant qu'un des deux ne tombe, rassasiant de son sang le terrible guerrier Arès. Rappelle tout ton courage. C'est maintenant que tu vas avoir besoin de toute ton adresse et de toute ta vigueur, car tu n'as plus de refuge. Et voici que Pallas Athénée va te dompter par ma lance, et que tu expieras en une fois les maux de mes compagnons que tu as tués dans ta fureur. » Il parla ainsi, et brandissant sa longue pique, il la lança. Mais l'illustre Hector la vit et l'évita, et la pique d'airain, passant au-dessus de lui, s'enfonça en terre. Et Pallas Athénée, l'ayant arrachée, la rendit à Achilleus, sans que le prince des peuples Hector s'en aperçût. Et le Priamide dit au brave Péléide : « Tu m'as manqué, ô Achilleus, semblable aux dieux. Zeus ne t'avait point enseigné ma destinée, comme tu le disais. Mais ce n'étaient que des paroles vaines et rusées, afin de m'effrayer et de me faire oublier ma force et mon courage. Ce ne sera point dans le dos que tu me perceras de ta lance, car je cours droit à toi. Frappe donc ma poitrine, si un dieu te l'accorde, et tente maintenant d'éviter ma lance d'airain. Plutôt Dieu que tu la reçusses tout entière dans le corps. La guerre serait plus facile aux Troyens si je te tuais, car tu es leur pire fléau. » Il parla ainsi en brandissant sa longue pique. Il la lança, et elle frappa sans dévier le milieu du bouclier du Péléide. Mais le bouclier la repoussa au loin, et Hector, irrité qu'un trait inutile se fût échappé de sa main, resta plein de trouble, car il n'avait que cette lance. Et il appela à grands cris Déiphobos au bouclier brillant, et il lui demanda une autre lance. Mais Déiphobos ayant disparu, Hector, dans son esprit, connut sa destinée. Et il dit : « Malheur à moi ! Voici que les dieux m'appellent à la mort. Je croyais que le héros Déiphobos était auprès de moi, mais il est dans nos murs. C'est Athénée qui m'a trompé. La mauvaise mort est proche. La voilà, plus de refuge. » Ceci plaisait dès longtemps à Zeus et au fils de Zeus, Apollon, qui tous deux cependant m'étaient bienveillants. Et voici que la moire va me saisir. Mais certes, je ne mourrai ni lâchement ni sans gloire, et j'accomplirai une grande action qu'apprendront les hommes futurs. » Il parla ainsi, et tirant l'épée aiguë qui pendait, grande et lourde, sur son flanc, il se jeta sur Achilleus, semblable à l'aigle, qui, planant dans les hauteurs, descend dans la plaine à travers les nuées obscures, afin d'enlever la faible brebis ou le lièvre timide. Ainsi se ruait Hector en brandissant l'épée aiguë, et Achilleus, emplissant son cœur d'une rage féroce, se rua aussi sur le Priamide. Il portait son beau bouclier devant sa poitrine, il secouait son casque éclatant, aux quatre cônes et aux splendides crinières d'or mouvantes que Héphaïstos avait fixées au sommet. Comme Hespéros, la plus belle des étoiles uraniennes, se lève au milieu des astres de la nuit, ainsi resplendissait l'éclair de la pointe d'airain que le Péléide brandissait pour la perte de Hector, cherchant sur son beau corps la place où il frapperait. Les belles armes d'airain que le Priamide avait arrachées au cadavre de Patroclos le couvraient en entier, sauf à la jointure du cou et de l'épaule, là où la fuite de l'âme est la plus prompte. C'est là que le divin Achilleus enfonça sa lance, dont la pointe traversa le cou de Hector. Mais la lourde lance d'airain ne trancha point le gosier, et il pouvait encore parler. Il tomba dans la poussière, et le divin Achilleus se glorifia ainsi. « Hector, tu pensais peut-être, après avoir tué Patroclos, n'avoir plus rien à craindre. Tu ne songeais point à moi qui étais absent, insensé. Un vengeur plus fort lui restait sur les nefs creuses, et c'était moi qui ai rompu tes genoux. Va, les chiens et les oiseaux te déchireront honteusement, et les Achaïens enseveliront Patroclos. » Et Hector, au casque mouvant, lui répondit, parlant à peine : « Je te supplie, par ton âme, par tes genoux, par tes parents, ne laisse pas les chiens me déchirer auprès des nefs achaïennes. Accepte l'or et les reins que te donneront mon père et ma mère vénérables. Renvoie mon corps dans mes demeures, afin que les Troyens et les Troyennes me déposent avec honneur sur le bûcher. » Et Achilleus, au pied rapide, le regardant d'un œil sombre, lui dit « Chien, ne me supplie ni par mes genoux ni par mes parents, plutôt Dieu que j'eusse la force de manger ta chair crue pour le mal que tu m'as fait. Rien ne sauvera ta tête des chiens, quand même on m'apporterait 10 et 20 fois ton prix et 1000 autres présents, quand même le Dardanide Priamos voudrait te racheter ton poids d'or. Jamais la mère vénérable qui t'a enfanté ne te pleurera couchée sur un lit funèbre, et les chiens et les oiseaux te déchireront tout entier. » Et Hector, au casque mouvant, lui répondit en mourant, « Certes, je prévoyais, te connaissant bien, que je ne te fléchirais point, car ton cœur est de fer. Souviens-toi que les dieux me vengeront le jour où Paris et Phoïbos Apollon te tueront, malgré ton courage, devant les portes Skaï. » Et la mort l'ayant interrompu, son âme s'envola de son corps, chez Aïdès, pleurant sa destinée mauvaise, sa vigueur et sa jeunesse. Et Achilleus dit à son cadavre, « Meurs, je subirai ma destinée quand Zeus et les autres dieux le voudront. » Ayant ainsi parlé, il arracha sa lance des reins du cadavre, et, la posant à l'écart, il dépouilla les épaules du Priamide de ses armes sanglantes. Et les fils des Achaïens accoururent, ils admiraient la grandeur et la beauté de Hector. Et chacun le blessait de nouveau, et les disait en se regardant, « Certes, Hector est maintenant plus aisé à manier que le jour où il incendiait les nefs. » Ils parlaient ainsi, et chacun le frappait. Mais aussitôt que le divin Achilleus aux pieds rapides eut dépouillé le Priamide de ses armes, debout au milieu des Achaïens, il leur dit ces paroles ailées. « Ô amis, princes et chefs des Argiens, puisque les dieux m'ont donné de tuer ce guerrier qui nous a accablés de plus de maux que tous les autres à la fois, allons assiéger la ville et sachons quelle est la pensée des Troyens. S'ils veulent, le Priamide étant mort, abandonner la citadelle ou y rester, bien qu'ils aient perdu Hector. Mais à quoi songe mon esprit? Il gît auprès des nefs, mort, non pleuré, non enseveli, Patroclos, que je n'oublierai jamais tant que je vivrai et que mes genoux remueront. Même quand les morts oublieraient chez Aïdès, moi, je me souviendrai de mon cher compagnon. Et maintenant, ô fils des Achaïens, chantez les païens et retournons aux nefs en entraînant ce cadavre. Nous avons remporté une grande gloire. Nous avons tué le divin Hector à qui les Troyens adressaient des vœux, dans leur ville, comme à un dieu. » Il parla ainsi, et il outragea indignement le divin Hector. Il lui perça les tendons des deux pieds, entre le talon et la cheville, et il y passa des courroies, et il l'attacha derrière le char, laissant traîner la tête. Puis, déposant les armes illustres dans le char, il y monta lui-même. Il fouetta les chevaux qui s'élancèrent avec ardeur. Et le Priamide Hector était ainsi traîné dans un tourbillon de poussière, et ses cheveux noirs en étaient souillés, et sa tête était ensevelie dans la poussière, cette tête autrefois si belle que Zeus livrait maintenant à l'ennemi pour être outragé sur la terre de la patrie. Ainsi, toute la tête de Hector était souillée de poussière. Et sa mère, arrachant ses cheveux et déchirant son beau voile, gémissait en voyant de loin son fils. Et son père pleurait misérablement, et les peuples aussi hurlaient et pleuraient par la ville. On eût dit que la haute Ilios croulait tout entière dans le feu. Et les peuples retenaient à grand-peine le vieux Priamos désespéré, qui voulait sortir des portes dardaniennes. Et, se prosternant devant eux, il les suppliait, les nommant par leur nom, « Mes amis, laissez-moi sortir seul de la ville, afin que j'aille aux nefs des Achaïens. Je supplierai cet homme impie qui accomplit d'horribles actions. Il respectera peut-être mon âge. Il aura peut-être pitié de ma vieillesse, car son père aussi est vieux, Péléus qui l'a engendré et nourri pour la ruine des Troyens, et surtout pour m'accabler de maux. Que de fils florissants il m'a tué, et je gémis moins sur eux tous ensemble que sur le seul Hector, dont le regret douloureux me fera descendre aux demeures d'Aïdès. Plutôt Dieu qu'il fût mort dans nos bras, au moins sur son cadavre, nous nous serions rassasiés de larmes et de sanglots, la mère malheureuse qu'il a enfanté et moi. » Il parla ainsi en pleurant, et tous les citoyens pleuraient, et parmi les Troyennes, Hécabée commença le deuil sans fin. « Mon enfant, pourquoi suis-je encore vivante, malheureuse, puisque tu es mort? Toi qui, les nuits et les jours, étais ma gloire dans Ilios, et l'unique salut des Troyens et des Troyennes qui, dans la ville, te recevaient comme un dieu. Certes, tu faisais toute leur gloire quand tu vivais, mais voici que la moire et la mort t'ont saisi. » Elle parla ainsi en pleurant, et la femme de Hector ne savait rien encore, aucun messager ne lui ayant annoncé que son époux était resté hors des portes. Et, dans sa haute demeure fermée, elle tissait une toile double, splendide et ornée de fleurs variées. Et elle ordonnait aux servantes à la belle chevelure de préparer dans la demeure et de mettre un grand trépied sur le feu, afin qu'un bain chaud fût prêt pour Hector à son retour du combat. L'insensé ignorait qu'Athénée, aux yeux clairs, avait tué Hector par les mains d'Achilleus, loin de tous les bains. Mais elle entendit des lamentations et des hurlements sur la tour, et ses membres tremblèrent, et la navette lui tomba des mains, et elle dit aux servantes à la belle chevelure, « Venez, que deux d'entre vous me suivent, afin que je voie ce qui nous arrive, car j'ai entendu la voix de la vénérable mère de Hector. Mon cœur bondit dans ma poitrine, et mes genoux défaillent. Peut-être quelque malheur menace-t-il les fils de Priamos. Plaise au Dieu que mes paroles soient vaines. Mais je crains que le divin Achilleus, ayant écarté le brave Hector de la ville, le poursuive dans la plaine et donde son courage. Car mon époux ne reste point dans la foule des guerriers. Il combat en tête de tous, ne le cédant à aucun. » Elle parla ainsi et sortit de sa demeure, semblable à une bacchante, et le cœur palpitant, et les servantes la suivaient. Arrivée sur la tour, au milieu de la foule des hommes, elle s'arrêta, regardant du haut des murailles, et reconnut Hector, traîné devant la ville. Et les chevaux rapides le traînaient indignement vers les nefs creuses des Achaïens. Alors, une nuit noire couvrit ses yeux, elle tomba à la renverse, inanimée. Et tous les riches ornements se détachèrent de sa tête, la bandelette, le nœud, le réseau et le voile que lui avait donné Aphrodite d'or, le jour où Hector, au casque mouvant, l'avait emmené de la demeure des Éthions, après lui avoir donné une grande dot. Et les sœurs et les belles-sœurs de Hector l'entouraient et la soutenaient dans leurs bras, tandis qu'elle respirait à peine. Et quand elle eut recouvré l'esprit, elle dit, gémissant au milieu des Troyennes, « Hector, ô malheureuse que je suis, nous sommes nés pour une même destinée, toi dans Troie et dans la demeure de Priamos, moi dans Thébée, sous le mont Phlacos, couvert de forêts, dans la demeure d'Éthion qui m'éleva toute petite, père malheureux d'une malheureuse, plutôt Dieu qu'il ne m'eût point engendré. Maintenant, tu descends vers les demeures d'Aïdès, dans la terre creuse, et tu me laisses dans notre demeure, veuve et accablée de deuil. Et ce petit enfant que nous avons engendré tous deux, malheureux que nous sommes, tu ne le protégeras pas, Hector, puisque tu es mort, et lui ne te servira point de soutien. Même s'il échappait à cette guerre lamentable des Achaïens, il ne peut s'attendre qu'au travail et à la douleur, car ils lui enlèveront ses biens. Le jour qui fait un enfant orphelin lui ôte aussi tous ses jeunes amis. Il est triste au milieu de tous, et ses joues sont toujours baignées de larmes. Indigent, il s'approche des compagnons de son père, prenant l'un par le manteau et l'autre par la tunique. Si l'un d'entre eux, dans sa pitié, lui offre une petite coupe, elle mouille ses lèvres sans rafraîchir son palais. Le jeune homme, assis entre son père et sa mère, le repousse de la table du festin, et le frappant de ses mains lui dit ces paroles injurieuses, « Va-t'en, ton père n'est pas des nôtres. » Et l'enfant revient en pleurant auprès de sa mère veuve. Astyanax, qui autrefois mangeait la moelle et la graisse des brebis sur les genoux de son père, qui, lorsque le sommeil le prenait et qu'il cessait de jouer, dormait dans un doux lit au bras de sa nourrice et le cœur rassasié de délices. Maintenant, Astyanax, que les Troyens nommaient ainsi, car Hector défendait seul leur haute muraille, subira mille maux, étant privé de son père bien-aimé. Et voici, Hector, que les vers rampants te mangeront auprès des nefs éperonnées, loin de tes parents, après que les chiens se seront rassasiés de ta chair. Tu possédais dans tes demeures de beaux et doux vêtements, œuvre des femmes. Mais je les brûlerai tous dans le feu ardent, car ils ne te serviront pas, et tu ne seras pas enseveli avec eux. Qu'ils soient donc brûlés en ton honneur, au milieu des Troyens et des Troyennes. Elle parla ainsi, en pleurant, et toutes les femmes se lamentaient, comme elle.